à Beau-Semblant. Jean-Louis Bangui, Wapi Mabé. Soukoum. Allez, et Soukoum, et Benda, Amam. Bon, et nous dire. Qui est ce Yaya? Diplomonité, les divas t'es cassé les doigts. Abonne.

mosolondo pie bongo ezanga matate koti attention bongo ezanga liba la trouble attention bongo ezanga matata mingi attention golu golu golu golu golu oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi

Tout le monde mange bon bon. Allez prends bon bon. Tu manges hein? Ah c'est bon, bon. Bon. Oh oh ton bien. Ah ouh ayanga na côté.

c'est du coup, c'est un tour. Aïe, aïe, aïe, ça fait mal, aïe, aïe, aïe, ça brûle. Si tu as des douleurs, va vite voir ton docteur. Aïe, aïe, aïe, ça fait mal, aïe, aïe, aïe, ça brûle. Pour ce médicament, pour te calmer en trop de temps. Aïe, aïe, aïe, ça fait mal, aïe, aïe, aïe, ça brûle. Pas la peine de pleurer, viens plutôt t'amuser.

se formó el perreo. Ey, este es para bailar, para gozar. Mira que el desorden se va a formar. Ya para lo que sale, ya el Guayacán. Luciendo kilo, me ven peluca. Guagual y Bonane y Pachalangui. Nos vemos en Quilla.